Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. Assemblage requis. On reçoit Stéphanie Gagné avec ton plat favori. Et la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'est à Assemblage requis. Ça commence. Ben, il est 7h02, je pense, à peu près l'heure, là. Hein? À peu près. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est quoi, le mardi 22 novembre, je crois, 2011? Oui, hein? J'étais sûr qu'on était le 21 ce matin. Non, c'est hier, ça. J'adore particulièrement, François-Olivier, j'adore les mois qui ont comme lundi des 7, 14, 21, 28. Ouais. Je trouve ça ouais. Sortit très bien. C'est ouais, plus que, tu sais, 6, 20, 20, tu sais, ça 6, marche 13. Pas. 6, 13, 27. Ça sortait bien. Ouais, t'as raison. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on a Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Elle va nous présenter son coup de cœur de la semaine. Elle en a toujours au moins un, des fois deux. Des fois, c'est un film, des fois, c'est de la musique. Des fois, c'est une condition climatique. Des fois, c'est un animal de compagnie. Des fois, est-ce que je dois continuer longtemps parce que tu t'étouffes? Waouh, il s'étouffe vraiment longtemps. Hey, ça va pas bien, François. On dirait moi toute la semaine passée. J'ai l'impression que je vais mourir. Là. Ouais, prends un peu de chocolat chaud, là, c'est bon pour la gorge. Ça. Tu devrais mettre du miel dans ton chocolat chaud, François. Tu sais, un petit peu de citron, un petit peu de camomille. Bon. Aussi dans l'émission d'aujourd'hui, on a Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ça finira jamais, je pense, en affaire. Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire. À chaque deux semaines, elle nous présente un livre qu'elle a lu au complet, d'une couverture à l'autre. Même sûrement la petite biographie de l'auteur dans le petit carton, là, le flap là, en avant. Elle est sûrement... Toute la kit. Toute la kit. Bon. Donc, c'est ça. On a aussi la chronique geek CNX avec les nouvelles technologiques, informatiques et vidéoludiques du moment. En fait, depuis mercredi, jeudi dernier, parce qu'on n'a pas eu de chronique depuis. Non, exact. Et c'est un fait qui vous présente les faits les plus utiles à savoir dans la vie là, pour divertir utile, vos hein? amis. Ah oui. Utile. Ah, utile. On joint l'utile à l'agréable. Parfait. C'est ce qu'on fait. Commençons avec une nouvelle pièce de Marc Derry. Hein. Vous l'avez peut-être entendu dans le palmarès, c'est fou, jeudi dernier, pour la toute première fois. Sinon, vendredi ou lundi, ou peu importe. C'est l'Astroblème sur son album numéro 4. Voici Marc Derry au 89 FM. C'est fou. Assemblage requis jusqu'à 9h. Regardez-moi ce ciel. On n'a rien vu de si beau depuis facilement l'année zéro. La terre est encore belle, encore pleine de gouttes d'eau. Il ne nous manque rien, y a tout ce qu'il faut. Seconde. soleil. It's cold outside, 'cause it's cold outside. outside, cause it's cold outside, it's cold outside, it's cold outside, it's cold outside, it's cold. Fait très froid dehors. Ouais. Il fait frette. C'est vrai qu'à matin, il fait frette. Ben oui. Hein? C'est pour ça qu'on a fait jouer ça ce matin. C'est la formation Our Book and the Authors qu'on a eu en entrevue. C'est assez fou, il y a quelques étés de ça. Et ils ont un remix de cette pièce-là qu'il faudrait qu'on joue à un moment donné aussi. Hey, parle de petit peu de jeux vidéo informatiques. C'est la chronique CNX. La chronique Geek CNX qui commence aujourd'hui avec de la porn. Oh! L'Internet commence souvent par gâté? Ça. Ben ouais. Savais-tu que François, que les 3X, les points 3X sont en danger? Les points 3X. Plusieurs gros noms de l'industrie. Oui, vas-y. C'est une extension? L'extension, ouais. Exactement, pour les sites de porn. Plusieurs gros noms de l'industrie de la pornographie s'associent pour dire non aux points 3X de l'ICANN, donc la Digital Playground, qui est l'un des gros studios pornographiques des États-Unis. Tu savais ça, j'imagine. Hein? Mm-hmm. Et Manwin Licensing, l'éditeur derrière les sites YouPorn et Pornhub, notamment. Prends des notes, François. Notamment, en plus de gérer le contenu en ligne de Playboy, ont décidé de faire front commun contre le triple X. C'est l'ICANN qui a autorisé le nom de domaine de premier niveau .3x.xxx, dont la gestion est assurée par la société ICM Registry. Tous les deux accusent l'ICANN et ICM Registry de violation des lois antitrust. Ils estiment ne pas avoir le choix que d'acheter les noms de domaine, sinon d'autres le feront à leur place et leur prendront par conséquence leur nom. Ce qui explique aussi pourquoi il y a des universités américaines qui ont commencé à acheter leur nom en .3x, juste pour pas se le faire voler plus tard. Tu comprends? Donc, une personne pourrait très bien décider d'acheter YouPorn.3x, alors eux, ils sont donc obligés d'acheter YouPorn pour pouvoir le garder. Malgré la controverse, l'ICANN a donné son feu vert pour le .xxx un peu plus tôt cette année. L'extension s'adresse aux sites proposant des contenus pour adultes, sans blague. Pendant une courte période, il a été possible d'acheter des noms de domaine en .xxx pour 200$. La période était cependant réservée aux marques hors industrie pour adultes, donc encore une fois, pour réserver leur marque. Avant l'ouverture générale prévue à la Saint-Nicolas le 6 décembre prochain, je savais pas qu'il y avait la Saint-Nicolas le 6 décembre prochain, tant mieux. Il est possible depuis le 8 novembre pour les entreprises de l'industrie pour adultes de préempter les noms de domaine en .xxx. Au 6 décembre, il n'y aura qu'une seule règle, premier arrivé, premier servi. La loi de la jungle domine, les orang-outans en route vont se bagarrer, dit l'article de branchezvous.com. Et oui, ça avait l'air d'un article français lui-même. Hein? Les premiers sites utilisant cette extension sont apparus un petit peu plus tôt cette année, comme on en parlait dans l'article. Les premiers sites en .xxx débarquent sur le net. Allez voir sur assemblagerequis.com pour en savoir plus. Tu connais Sergey Brin? Non. Le créateur des cofondateurs de Wikipédia. OK. Lui et sa femme ont donné $500,000 à Wikipédia. OK. Des cofondateurs de Google. OK. Ouais, excuse-moi, des cofondateurs de Google, qui ont donné donc $500,000 à Wikipédia. Dans le cadre de son appel de financement annuel, t'as peut-être vu la bannière sur le site de Wikipédia? Mm-hmm. Grosse bannière qui dit « Donnez-nous de l'argent ». Ouais, ouais. Wikipédia confirme avoir reçu un important don de $500,000 américains de la part du cofondateur de Google, Sergey Brin, et de sa femme Anne Wojcicki. D'après le communiqué publié, le don provient de l'organisme The Brin Wojcicki Foundation, démarré par Sergey Brin et sa femme, la cofondatrice de 23andMe. Cette subvention se veut un important appui à la fondation Wikipédia et j'espère qu'elle envoie un signal fort en ce début de campagne de levée de fonds, a déclaré la directrice exécutive au sein de la fondation Wikipédia. Lors de la présentation de son 30e palmarès des gens les plus riches en Amérique en septembre dernier, Forbes avait évalué la fortune de Sergey Brin à un minimum de $16.7 milliards. Donc, il peut se le permettre. Et en même temps, vous aussi pouvez vous permettre un petit montant au moins à donner à Wikipédia parce que sérieusement, tout le monde se fie là-dessus, tout le monde prend ça pour acquis. Mais il faut que ça survive, ils ont des serveurs à payer. Il y a une très petite équipe autour de Wikipédia, beaucoup plus petite qu'on le pense. Ouais. Donc allez-y, donnez un 5, un 10, n'importe quoi, ça vaut bien ça, hein? Ouais, exactement, et puis on s'en sert, là. Au nombre de copier-coller que les étudiants font et puis qu'ils ne sont pas pognés à cause de ça, leur merci les dons. Hein, mais c'est très cool, par exemple, de la part des fondateurs de Google. Ben oui, exactement, d'encourager des choses comme ça, ouais. C'est parfait. Mmh. Donc, on parle d'une puce qui imite le cerveau humain maintenant, François-Olivier. Les chercheurs du MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology, viennent de créer une puce simulant l'activité des neurones. Il est facile pour une machine, dit-on, de calculer une opération avec des milliers de décimales en une fraction de seconde. Elle peut même effectuer des millions de calculs en un instant, mais il est impossible pour une machine de réfléchir comme un humain, de faire certaines connexions, de reconnaître des personnes et d'y associer certaines informations. Le doux rêve d'une machine pensant comme un humain n'est pas nouveau. Voilà donc que des chercheurs du MIT ont créé une puce qui parvient à reproduire la façon dont les neurones s'adaptent aux informations enregistrées. Elle copie le lien entre deux neurones, une synapse qu'on appelle. Cette trouvaille pourrait donc permettre notamment d'analyser le fonctionnement du cerveau humain. L'activité d'un cerveau est électrique et chimique alors qu'une puce est binaire, bon, ce qu'on appelle des 0 et des 1. Les chercheurs du MIT ont donc reconstitué un fonctionnement dit analogique. Elle imite le fonctionnement chimique de la synapse et l'activité des neurotransmetteurs. Mais cette puce ne reproduit l'activité que d'une seule synapse alors que le cerveau humain en contient environ 1 000 000 de milliards. Il n'en reste pas moins que le progrès réalisé ici a été salué. Dean Buono-Mano, professeur à l'Université de Californie, considère que cette puce est une avancée significative dans les efforts pour intégrer ce que nous savons de la biologie neuronale et synaptique sur des puces. Le niveau de réalisme biologique est impressionnant. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur l'article sur assemblagerequis.com. Avancement pas mal, ça. Parlons de, en fait, pas vraiment de Occupy Wall Street. Tu connais le mouvement Occupons Wall Street, Occupons Trois-Rivières. Il y en a plein d'autres comme ça. On parle maintenant sur le web de Occupons Flash et Occupons HTML. Flash. Oui. Okay. Dans son manifeste, un groupe de développeurs web a dit que Flash Player est mort. Son temps est révolu. Il est buggé. Il plante souvent et requiert constamment des mises à jour de sécurité. Ce qui est tout à fait vrai. Hein? Il ne fonctionne pas sur la plupart des appareils mobiles. C'est un fossile, le rebut d'une ère de standards fermés et de contrôle unilatéral d'une technologie par une entreprise. Flash rend le web moins accessible. Aujourd'hui, il tire le web en arrière. C'est vrai. C'est vrai. Le groupe annonce d'ailleurs vouloir provoquer un maximum de désinstallation de Flash. Tout comme Steve Jobs l'a fait il y a quelques temps, le mouvement annonce donc la fin de Flash Mobile et que le HTML5 est clairement le grand vainqueur pour l'avenir du web. Le mouvement est conscient que supprimer le lecteur Flash provoquera des problèmes et que certains sites importants s'en servent. Un doigt accusateur est pointé vers Google Analytics, entre autres, un des gros sites qui se servent de Flash. Mais la réplique ne s'est pas fait attendre puisqu'un autre groupe s'est créé très rapidement qui est Occupons HTML, némésis de Occupons Flash. Le mouvement Occupons HTML indique sur son site imitant très pour très celui de Flash. Là, c'est le même genre de look. Flash est mature, le format est supporté par tous les principaux furteurs. C'est stable lorsque c'est utilisé correctement. Ça, c'est Occupons HTML qui dit ça. Ouais, c'est la réponse de... Bravo, hein. Mais qu'est-ce que tu trouves, toi? Flash, ça plante tout le temps. Moi, en tout cas, sur mes ordinateurs, on dirait qu'il y a tout le temps un onglet qui est en train de planter à cause de Flash, tout le temps. Mais Flash, c'est ce qui fonctionne avec les iPods, non? iPods n'ont pas Flash dessus. Ah. Non, tous les appareils d'Apple, en fait, Steve Jobs avait refusé complètement d'embarquer sur le Flash. Il disait que c'était mort, que ça allait être l'HTML5, la suite de logique de ça. Non, non seulement ça plante tout le temps, mais tu sais, sérieusement, je pense qu'il y a des mises à jour à chaque 2-3 jours là-dessus. Là. Il y a tout le temps de mises à jour de Flash à faire. En tout cas, c'est fatigant. Moi, je suis bien d'accord avec le mouvement. Occupons Flash. Bon. Voilà. Donc, pour cette nouvelle-là. Parlons un petit peu de Google. Nouvelle rapide là-dessus qui réintroduit la recherche stricte de mots. Hein, la fonction verbatim qui prend le relais de l'opérateur et des guillemets. Suite à l'arrivée de Google Plus, et parce que seulement 0,5% des internautes l'utilisaient, Google avait ôté l'opérateur Plus qui permettait d'effectuer des requêtes plus précises dans son moteur de recherche. Tu peux écrire un mot plus un autre mot et tu peux mettre des affaires entre guillemets, écrire des or et des affaires comme ça. Il y a plein d'affaires à faire. À la place, on pouvait encore utiliser des guillemets comme on disait. Bon, mais le moteur de recherche s'enrichit d'une fonction baptisée verbatim qui est disponible sur google.com, la version en anglais, qui permet d'effectuer une recherche plus stricte. Donc, si vous cliquez sur verbatim, Google ne corrigera pas d'éventuelles fautes d'orthographe parce que Google, en ce moment, c'est ce que ça fait. Ça corrige tes fautes, ouais. Ça se base sur l'historique de tes visites, ça suit les synonymes des mots et un paquet d'affaires comme ça, ça corrige ta recherche alors que tu voulais trouver un mot précis, mettons. Donc, la fonction verbatim va servir à ça. Parfait. Les Britanniques ont trouvé un nom pour une nouvelle épidémie. C'est le text neck. La douleur du cou liée au texto, hein? Et le text thumb injury pour le pouce. L'utilisation intensive des portables et tablettes numériques cause des douleurs qui peuvent devenir invalidantes. Je cite, « J'ai eu une patiente qui souffrait d'une inflammation des tendons du pouce du fait de l'usage des touches du téléphone, au point de ne plus pouvoir utiliser sa main pendant des semaines. » Tabarouette. Hey, ça c'est un gars de l'Association britannique des chiropracteurs. L'usage des téléphones intelligents permettant de texter, surfer sur Internet, Twitter, etc. est en plein essor. 44% des Britanniques utilisent leur téléphone pour d'autres usages que la parole pendant une demi-heure à deux heures par jour, selon un sondage de YouGov. Or, et je cite, « Notre corps n'est pas fait pour fonctionner comme ça », constate un membre de la Fédération britannique des kinésithérapeutes. Pas fait pour ça. Non. Outre le problème des touches, l'écran est à l'origine de mauvaises postures. Le poids moyen de la tête est de 4,5 à 5,5 kg. Dans la posture idéale où on peut tracer une ligne droite entre les oreilles, entre l'oreille, l'épaule, la hanche, le genou et la cheville, ce poids est réparti sur l'ensemble du corps. Mais lorsqu'on regarde un écran, notre tête se désaxe vers l'avant et nous ressentons son poids jusqu'à 4 fois plus. Or, l'usage des tablettes numériques et des liseuses, ça c'est les lecteurs de livres électroniques, se répand comme une traînée de poudre et 18% des utilisateurs déclarent y passer de 2 à 4 heures par jour. Leur usage s'ajoute à celui de l'ordinateur, désormais l'outil de travail le plus répandu. Évidemment, t'es au travail, sur ton ordinateur, t'arrives à la maison, t'es sur ton iPod Touch. Non, c'est ça, à un moment donné, là... Faut se calmer, là. Ben, un petit peu, là. Moi, c'est la 3DS en ce moment. Je suis pas capable de lâcher Mario, pas capable. Donc, de muscle en muscle, le patient peut se retrouver avec des fourmillements dans les doigts, une tendinite, des douleurs de la nuque, du dos, etc., etc. Emmanuel Rivoal, une des personnes dans l'article, je vous rappellerai plus c'est qui, là, c'est un petit peu loin dans l'article, me conseille de porter le regard au loin, à intervalles réguliers, de bâiller, ce qui relâche les muscles, de s'étirer comme un chat. François, super, hein? T'aimerais ça? Ouais, j'aimerais bien ça. Donc, faites attention et peut-être lâchez vos gadgets une fois de temps en temps. Hein? Même si mon slogan préféré dit que dehors, c'est pour les autres, ça veut pas dire qu'on peut pas y aller une fois de temps en temps quand même. Non, il faut. Il faut sortir de temps en temps. Parlant de trop avoir ses gadgets dans les mains, François, on parle des autocars d'Orléans Express qui disent « Fini les squatteurs de Wi-Fi ». Hein? Et donc, avis aux automobilistes qui se collent aux autocars d'Orléans Express sur l'autoroute. Oh, t'es-tu sérieux? Ça se faisait? Je savais pas, moi non plus. Pour profiter du service Internet qui est offert gratuitement à ses passagers, depuis le début de la semaine passée, la compagnie a sécurisé son réseau à l'aide de mots de passe pour se débarrasser de ces parasites dangereux. Et je cite, parce que là, on explique pourquoi c'est dangereux, là. Ils se mettaient sur cruise control et restaient sur la voie de gauche parfois pendant 10 minutes. C'est assez pour faire un accident. Ben non. Je te jure, c'est fou. Ridicule. C'est lorsque ses patrons ont annoncé que pour se connecter au réseau Internet à bord de son autocar, les usagers auront désormais besoin d'un mot de passe qu'il a allumé. Cela aurait pu devenir dangereux si j'avais eu à appliquer les freins. On voyait qu'ils jouaient avec leur téléphone intelligent, blablabla. L'entreprise offre le service depuis quelques mois et en fait la promotion à même ses autocars. Pour les automobilistes, il est possible de rater l'autocar en jaune à poser sur le côté du véhicule où il est écrit « Accès Wi-Fi sans frais à bord de cet autocar ». J'avoue que quand t'écris ça en gros, c'est un peu tentant, hein? Ouais, mais c'est pas de la coller à côté pendant 10 minutes. Là. Non, c'est ça. Incroyable. Là. C'est ça. On dit que les mots de passe vont être changés régulièrement et qu'ils vont être différents selon les autocars. Donc, même si vous connaissez un chauffeur qui vous dit son mot de passe, là, vous n'allez pas pouvoir vous connecter n'importe comment. Non, c'est ça. Ou un ami qui a pris l'autobus. Parlons d'Amazon qui pourrait très bien sortir un téléphone fin 2012. Le distributeur en ligne Amazon qu'on connaît pour la Kindle Fire, la petite liseuse comme les... Je sais pas pourquoi on appelle ça une liseuse, je trouve ça tellement laid, les readers. En tout cas, bref. Ouais. Il pourrait sortir un téléphone multifonction en 2012, c'est ce qu'a estimé jeudi dernier un analyste de chez Citi, s'appuyant sur une analyse de la chaîne logistique en Asie. Et je cite, « Nous croyons qu'un téléphone multifonction Amazon sera lancé au quatrième trimestre de 2012. D'après nos vérifications sur la chaîne logistique, nous pensons que Foxconn est en train de développer le téléphone avec Amazon. » Foxconn qui travaillait avec Apple, d'ailleurs. Avec le succès de la liseuse Kindle ces trois dernières années et la tablette Kindle Fire, un succès potentiel dans le secteur des tablettes bon marché, nous considérons qu'un téléphone est une nouvelle étape logique pour Amazon. Donc, je sais pas si ça veut dire qu'eux, ils font juste dire qu'ils devraient sortir un téléphone ou s'ils ont des, tu sais, vraiment une vraie idée que ça va vraiment arriver. C'est dur à dire dans ce domaine. Dur à dire. Ouais, donc le Kindle Fire qui était mis en vente au début de la semaine aux États-Unis coûte 200$, soit moins de la moitié, moins que le modèle d'entrée de gamme de l'iPad d'Apple qui est de 500$. Moitié moins, c'est bien la moitié de. Même que c'est beaucoup moins que la moitié, si on parle de 200$, c'est comme pas mal moins que la moitié de 500$. On va terminer dans le jeu vidéo rapidement, parce qu'on dirait que je l'ai tout croche aujourd'hui. Parlons d'enfants qui ont été nommés pour un jeu vidéo. François, c'est toujours une nouvelle intéressante, ça. D'enfants? Des enfants. Un enfant, en fait. Un enfant? Non, plusieurs enfants. D'accord. Donc, toutes les sources d'inspiration... Ouais, je te l'avais dit que je les ai tout croche aujourd'hui. Commençons par la lecture de l'article. Toutes les sources d'inspiration sont bonnes lorsque vient le temps de choisir le prénom de son enfant. Même les jeux vidéo. Vous pouvez en parler à Robin Williams, hein, l'acteur, l'humoriste qui a prénommé sa fille Zelda. Non. Ça fait longtemps. Et sérieux? Non, je pense qu'à notre âge, ou en tout cas... Non, Zelda, pas vrai. Je sais pas. Ouais, mais Zelda, ça existait avant les jeux vidéo, là. Franchement, Zelda dans Sabrina. Là. Non, je sais, mais en même temps, ça, du coup. Ouais, non, je sais. Je trouve ça questionnant. Aujourd'hui, peut-être que ça paraît, c'est un petit peu trop. C'est comme appeler ta fille Princess Peach. Hein? Il y a aussi les, je sais pas c'est qui, mais c'est les Keller Myers. On les connaît pas encore, hein, mais ils vont devenir vedettes. Les Keller Myers qui ont trouvé le prénom de leur nouveau-né dans le jeu The Elder Scrolls V Skyrim. Les Keller Myers sont de grands amateurs de la franchise The Elder Scrolls de Bethesda. Et le destin semble avoir confirmé leur amour pour cette série. En effet, leur poupon est né le 11 novembre 2011, hein, le 11-11-11, là. Le lancement, la date du lancement du cinquième opus de la franchise The Elder Scrolls. Question de marquer pour une génération cette adoration. Les parents ont décidé de prénommer l'enfant Dovahkiin, l'un des personnages de The Elder Scrolls V Skyrim. Dans le langage du jeu, Dovahkiin se traduit par Dragonborn ou en français né de dragon. D'accord. Bien entendu, Bethesda a eu vent de cette histoire et a décidé de récompenser les Keller Myers de belle façon. Donc, ces derniers recevront tous les jeux de la compagnie à vie pour avoir prénommé leur enfant à partir de l'un des personnages de leur plus récent jeu. Toutes les futurs tous les futurs jeux. Ah. Mais on dirait que je trouve ça plus acceptable que Zelda. Ouais, parce que Zelda est plus connu comme étant un autre jeu vidéo, alors que Dovahkiin, c'est juste lettre. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui le sait pas. Hein. Il dit juste, wow, t'as dormi un nom affreux, t'sais. Ouais, ben, c'est pas super, je trouve. Ben, c'est comme, mettons, tu sais, ton enfant, Ovechkin, c'est qui le gars du hockey? Ouais. T'as Crosby, pis t'as Ovechkin. Ouais. Hey, petit Crosby! Viens-t'en, Crosby! Ah, je sais. On s'en va-tu, Crosby? OK. C'est questionnable. Ouais. Il y a Square Enix qui a finalement choisi Montréal pour installer un deuxième studio canadien. L'éditeur japonais annonce que Square Enix Montréal va ouvrir ses portes en 2012. C'est environ 150 emplois qui vont être créés afin de développer des jeux. Le studio sera dirigé par Lee Singleton, qui était jusqu'à maintenant le directeur général de Square Enix London. La grosse surprise vient du fait que Square Enix Montréal va travailler initialement sur un nouveau volet de la franchise Hitman. Cette dernière était la responsable de IO Interactive jusqu'à aujourd'hui. Était la responsabilité, oui, voilà. IO Interactive qui va continuer de développer Hitman Absolution, mais on peut se demander que lui réserve l'avenir. Le nouveau volet développé à Montréal sera probablement pour les prochaines consoles. Vous pouvez aller lire l'article complet sur assemblagerequis.com et leur site web, c'est square-enix-montréal.com. Et voilà pour les nouvelles. On termine avec les nouveautés en magasin cette semaine, évidemment, parce qu'il y en a comme toujours une petite... il y en a pas tant que ça cette semaine, on dirait. Non? Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Les fêtes s'en viennent. Ouais, c'est ça, mais ça s'en vient. Peut-être la semaine prochaine ou le mois de décembre. Donc, une semaine qui a bien commencé avec le lancement de The Legend of Zelda Skyward Sword. Évidemment, le nouveau Zelda qu'on attendait depuis tellement longtemps, qui a été repoussé maintes et maintes fois. Donc, c'est sorti. Ça, c'est sur la Wii. OK. Sur la Wii, oui. 3DS, non? Non, sur la Wii. Sur la Wii, seulement. Multiplateforme, commençons par ça. The King of Fighters 13 sur Xbox 360 et PS3. WWE 12. Yeah! Ouais, sur 360 et PS3. Oh, la lutte, ça, c'est viril, c'est mou et macho. Power Rangers Samurai sur Wii et Nintendo DS. Sur PC maintenant, Serious Sam 3 BFE. Sur Xbox 360, Jillian Michaels Fitness Adventure, hein, un jeu de fitness avec la fille de Kipper Gang. Sur PlayStation 3, Tekken Hybrid de Namco Bandai. Sur Wii, on en a parlé déjà, The Legend of Zelda Skyward Sword. Et sur Nintendo 3DS, Cooking Mama 4. Oui, 4. Ils en font des jeux de ça. WWE All-Stars. D'accord. Oui. Et Nano Assault, je connais pas, de Majesco. Nano Assault. Et ben, voilà. C'est pas l'autre. C'est des nouveaux jeux. Pas grand-chose, hein. À part Zelda, sérieusement, que tout le monde attendait et que ça va faire fureur, ça, c'est certain. Fureur! Ah, Manel, là, c'est sûr que... Je pense que... Il va avoir des ventes. Ouais. Il faut avoir la j'allais dire la poche profonde, là. La poche profonde, mais en même temps, ça doit pas être si cher que ça, là. Non, je sais, mais acheter tous les jeux qui sortent. Oh non, acheter tous les jeux. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de jeux pour plusieurs styles de joueurs. Oh, ouais. Quand t'aimes un style de jeu, t'es gâté, là. Parce qu'il y en a beaucoup dans le même genre. Enfin, bon. On se quitte avec du chiptune et pour une rare fois, je crois que c'est la première fois dans la Connexion X jusqu'à maintenant, je vais pas jouer une pièce sur 8bc.org qui est 8-Bit Collective, une excellente ressource pour tous les fans de musique chiptune ou de jeux vidéo qui peuvent aller envoyer leurs propres pièces. Il y en a un autre site pour celui-là, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais j'ai jamais fait jouer de pièces qui viennent de là. C'est chipmusic.org. Excellent. On va entendre... C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est l'artiste Cartoon Bomb avec la pièce Tortoise. Assemblage de Tortoise, T-O-R-T-O-I-S-E. Ben, c'est spécial quand même, comme dans la Connexion X. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. The Sounds avec la pièce Queen of Apologize. Hey, c'est bon. Sounds, ça sonne toujours bien. Fais-en jouer plus souvent. Ouais, ok. Je vais essayer d'y penser. On devrait se gâter un petit peu plus. Là. Le palmarès est bien bon, là, à un moment donné. Non, mais c'est le fun de sortir des sentiers battus. C'est ça. Ben, Colin, ben, pourquoi haha, c'est pas drôle. Non, c'est beau. Ah, bon. Hey, Mathieu, je sais que tu parles souvent dans ton émission des palmarès là, où tu fais jouer oui, ça c'est des palmarès. Les palmarès, c'est fou, ouais, ouais. Tu fais jouer les meilleurs moments. D'assemblage requis, exactement. Ouais. Puis là, souvent, tu parles avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ouais, ma co-animatrice. Ouais, que t'aimerais ça, qu'on stage un ouais, peu. Ouais, qu'on stage. Puis il y a une idée qui m'est venue. Okay. Je sais pas, t'aimes-tu que je t'en parle en retour? Je sais pas. Je veux qu'on soit comme les plus improvisés, les plus genre sur le moment, live, emotion. Emotion live, là. Ouais. Direct dans ta face. Non? Ouais, écoute, ok, parfait. Ou encore parle-moi-en, c'est ça que tu veux faire, là. Non, mais je sais pas, tu sais, quand tu disais stage. Ouais, ben comme arranger un meilleur moment pour pouvoir le mettre dans les meilleurs moments, t'sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, c'est fait. Écoute, on pourrait aller entendre une pièce puis revenir. Puis là, bam. On fait. Ben, parce qu'on a fait ça la semaine passée de dire qu'on allait entendre. Non, une mais pièce, là, c'est vrai. Ben, en tout cas, okay. Là, j'ai une idée. Là. T'as la une dernière idée? Fois, moi. Merveilleux. On fait ça juste après une pièce de Violette P. Voici USB. Au 89 FM, c'est assemblage requis. Ils ont tellement improvisé! On va se voir, c'est très proche. Ah, ça vient de toi quand même. Oh, putain. Je parle de ta poche. Oh. C'est correct, je te pardonne. Fallait pas dire textuellement comme ça, d'habitude on fait des euphémismes, là j'ai vraiment dit, tu sais. Pouah. Tu as les cheveux violets, ton septum est percé, le milieu de ton nez retient un anneau or fort joli. Ta peau est une tapisserie, tapissée de tatou. Ton cœur crie et ton ventre a mal aussi. Violette, c'est la fleur du mal. Violette, tu me feras mal. Violette, c'est la fleur du mal. Tes réveils sans sommeil s'accumulent en angoisse. Chaque séquence matinale me rappelle qu'au lever de la lune tu sentiras encore mal, mal de toi-même, mal de vivre mal, d'un éveil non lucide, mal d'un chocolat plein d'acide, de ton visage délavé, d'une envie irritante de dormir au soleil, gardant ton sommeil. En éveil. Violette, c'est la fleur du mal. Violette, tu me feras mal. Violette, c'est la fleur du mal. Violette Pie et la pièce Violette. On est habitué à leur pièce USB sur la palmarès francophone, mais ça, c'en est une autre. Hein? Ça fait du bien. Complètement une autre pièce. Un petit changement ce matin. Un petit peu, un petit changement. François, tantôt, on parlait des palmarès C'est fou. Tu te rappelles l'émission le jeudi après-midi, 14h à 17h? Ouais. C'est ça. Qu'on disait qu'on allait stager un moment pour les... Ouais, puis on s'est rendu compte aussi que ça allait peut-être pas être génial, mais on va le faire quand même. Ben oui, c'est ça, on est de même. On est, ouais. On est des gars, tu sais, d'autres gens et de... Mardi 22 novembre, ouais. C'est jour des vidanges aujourd'hui. Vrai vidange, oui. Responsable dans la rue, ils vont te ramasser. Toi, en tout cas, toi, il va falloir qu'attendre le jour, tu sais, la cueillette des déchets dangereux, là, parce qu'il n'y a personne qui veut te toucher, toi. Hein? Oh! Hey, là! Ça y est, ça y est. Écoute, j'ai plus le goût d'animer avec toi. Moi, je suis en furie, là. T'es en furie, hey, oui. Ça a l'air à ça. Ah ouais, hein? J'ai bras croisés, tout, là. Hein? Ouais. Parce que ta face est comme défigurée, là. C'est la moustache, hein. Toi, t'as l'air d'avoir. Ça y est, on commence à s'insulter en ondes. T'as l'air d'avoir. Tout pue. Ouais, ben c'est ça. Ouais. T'as la poubelle. Dans ta face, déchet dangereux. Oh, bon. Personne veut te toucher. Bon. Fait que là, ça va être le meilleur moment? Non, je sais pas. Peut-être. On va voir. Bon. Si c'est le meilleur moment, ben salut, Jean qui écoute les meilleurs moments. Bonjour, bonjour. Hey, salut, Marie-Pierre. Salut. Marie-Pierre. Salut, Marie-Pierre. Marie-Pierre. Marie-Pierre qui va être là tantôt, d'ailleurs. Oui, c'est une chronique littéraire. Ouais. On va nous parler d'un livre. Ben, j'espère. Ouais. Espérons-le. Ou d'une revue, non? Peut-être, peut-être. Ça se pourrait, j'imagine, peut-être. Mm-hmm. Il y a des textes là-dedans, oui. Ouais. Ou de site internet avec des textes, peut-être. Ok, peut-être. Ça se peut-tu? Travail de session? Ah! Non. Journal intime, après nous lire. Journal intime, intime. Ouais. Ça serait plus intime. Ah, aujourd'hui, au palmarès, c'est fou. Mathieu, il m'a torturé encore avec ses jokes plates. Puis là, je suis tanné. Je vais m'en aller. Bon. Bon, ouais. Ouais. Fait que maintenant, qu'est-ce que t'en penses si on transitionne sans faire aucune référence au fait qu'on vient de faire les affaires vraiment parfait, poche avant? Parfait, comme si c'était jamais arrivé. C'est la collègue, c'est un fait. C'est un fait qu'il a collé des choses véridiques, véritables et vérifiables, les V. Le triple V de Mathieu. Triple V, et pas le triple W, le. Non, non. Comme le slogan, le je triple le W. Je pense à la radio à quelque part qu'il y avait une chronique qui s'appelait de même, c'était mauvais. Parlons des gens qui ont les yeux bleus. OK. Tes yeux sont quelle couleur, François? Je sais pas, regarde. Vert, les yeux bleus. Vert. Bleu. Vert, bleu. C'est beau. Gris. Brun. Je sais pas, avec la lumière, il y en a comme gris, bleu. Gris, bleu. Gris. Ah, regarde. Mettons bleu. Gris bleu. En tout cas, bref, donc avoir les yeux bleus, c'est une mutation génétique, d'accord? Qui résulte du fait que ton corps est incapable de produire de la mélanine qui rend tes yeux bruns. Qui est d'ailleurs brun, la couleur naturelle des yeux. C'est la couleur normale à avoir, c'est la couleur, c'est brun. Moi, mes yeux sont plates, sont normaux, sont bruns, foncés, peut-être me diras-tu, mais sont bruns. Bon. Donc, entre 6000 et 10 000, il y a entre 6000 et 10 000 ans, d'accord, une mutation génétique est arrivée, c'est passé dans un seul être humain qui a perdu donc la capacité, à, dans le fond, d'avoir des yeux bruns. À la place, il y a eu des yeux bleus. Oh. Donc, les chercheurs ont découvert que les gens avec les yeux bleus de partout dans le monde ont le même gène qui change, dans le fond, qui a un rapport avec leurs yeux bleus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont les yeux bruns ont un gène différent des yeux bleus. Donc, ils croient que ça veut indiquer ça, que tous les gens qui ont les yeux bleus viennent du même ancêtre à cause de ce gène-là qui est différent entre les personnes qui ont les yeux bruns et les personnes qui ont les yeux bleus. Donc, toutes les personnes qui ont les yeux bleus puis proviendraient à la base, si on recule très, très, très, très loin à l'arrière, viendraient d'une seule personne. Ah! Étrange, hein? Une seule mutation génétique qui a causé autant de yeux bleus parce qu'on en voit quand, pas régulièrement. C'est ça, on reproduit beaucoup? Ouais, c'est ça, ils ont ouais, comme des lapins. Hein? Mm. On parle d'un insecte maintenant, une bestiole qui s'appelle l'Australian Jewel Beetle. D'accord? Et ces insectes-là sont en voie de disparition parce qu'ils n'arrêtent pas d'avoir des relations sexuelles avec des bouteilles de bière. Avec des bouteilles de bière? Ben oui, des bouteilles de bière. C'est que ces bouteilles-là ressemblent apparemment à la femelle de l'espèce. D'accord? Donc, ces beetles-là, beetles, c'est scarabée, donc elles les trouvent attirantes. Elles sont grosses, les bouteilles, orange-brune un peu, et ont un genre de creux en dessous de la bouteille. Un creux qui réfléchit la lumière de la même façon que les ailes de l'espèce féminine de l'Australian Jewel Beetle fait. Donc, résultat, c'est que les mâles ne peuvent pas s'empêcher de tomber en amour avec cette bouteille-là et d'essayer de copuler avec. Évidemment, ils réussissent pas, mais étant donné qu'ils sont tellement, tu sais, ils sont tellement, ils ont de la volonté. Je cherche mon mot. La volonté, donc ils continuent jusqu'à temps que le soleil les tue. Hein? Spécial. C'est spécial, bizarre. Ouais, triste un peu, triste pour l'espèce, je trouve. Savais-tu, François, qu'on peut regarder sur Internet les gens traverser la rue comme les Beatles? OK. Tu sais, tu te rappelles l'album Abbey Road des Beatles? Ouais. Tout le monde connaît là, les personnes qui... Oh, ouais, c'est très connu. C'est très, très connu. Bon. Bref, près de leur studio d'enregistrement, c'est là que ça avait été fait pour les Beatles. Depuis les dernières années, dans le fond, il y a des... Ben, depuis ce temps-là, les touristes n'arrêtent pas de déranger le trafic sur la route en essayant de refaire la célèbre photo. Donc maintenant, on peut les regarder éviter les voitures pour faire une photo cliché à mettre sur leur profil Facebook en allant voir le lien sur assemblagerequis.com. Abbey Road Studios, qui a installé une webcam à ce site célèbre-là pour célébrer, dans le fond, et enregistrer 24 heures sur 24. Donc vous allez sur assemblagerequis.com dans l'article qui s'appelle « You can watch people cross the street like the Beatles ». et vous cliquez sur le lien source en bas. Et ou sinon encore, vous allez sur abbeyroad.com/visite. C'est comme vous voulez. Hein, le chemin est peut-être un petit peu plus court. Voilà. Sur abbeyroad.com/visite. Et littéralement, c'est une webcam en direct. Là, je vois des gens. Il y a personne qui fait la prise des Beatles, évidemment. Il y a un gros autobus deux étages là, qui vient de passer. Je trouve ça tellement beau, ces autobus-là, voyons-nous. Danse-toi de là. Ce que je comprends pas en Grande-Bretagne, c'est les lignes qui sont zigzaguées sur le côté de la route. J'ai toujours... faudrait que je fasse des recherches. Je me suis toujours demandé pourquoi, au Royaume-Uni, les lignes étaient zigzaguées. Je pense que c'est pour peut-être alerter pour les coins de roue ou pour les piétons, parce que le reste des lignes ont l'air droites. Mais pour le stationnement, t'as pas le droit là? Ou... Je sais pas. Je sais pas non plus. Je sais pas. Mais c'est joli. C'est joli. Ah, il y a des gens, y a deux personnes qui viennent d'arrêter en plein milieu de la rue. Ouais, ils viennent ça de klaxonner. Ça a klaxonné. Ah, je te jure. Je comprends que ça a klaxonné. En tout cas, c'est fascinant d'aller voir ça, je trouve. Ça n'a aucun rapport. C'est comme à la télé communautaire, la TV Cogeco. Tu sais, TV Cogeco. Ouais. C'est quoi, j'essaie de le dire leur slogan. TV Cogeco. Pour les vrais gens d'ici. Vrais étudiants d'ici. C'est ça? Ouais. En tout cas, bref, TV Cogeco, on les adore. Bonjour, salut. TVCogeco.com. Avant, à la télé, ils diffusaient une caméra en direct du centre-ville. Ah ouais? Tu te rappelles pas? Non. C'était sur le coin de la rue où il y a un des multiples Morganes. Il y avait une caméra là. C'était pas en tout temps, mais des fois, c'est entre les affaires du babillard puis entre, je pense, un aquarium qui était diffusé pendant un bout de temps. Pour vrai, il y avait un aquarium à la télé. T'sais. Là, il y avait aussi un coin de rue de fois de temps en temps. Je trouvais ça très, très bien. Moi, ça me fascinait. Je restais sur cette chaîne-là très, très longtemps. C'est l'émission qui me manque dans la programmation de TVCogeco en ce moment. Voilà, c'était un petit message comme ça. Aussi récemment qu'en 1985, les bébés se faisaient opérer sans anesthésie parce que les docteurs pensaient qu'ils avaient pas mal. Ah, mais ils étaient pas capables de le dire. Ben c'est ça, c'est que dans le fond, ils traitaient les enfants comme si c'était des êtres genre des moins que rien parce qu'ils avaient pas encore les capacités cognitives complètes. Les gens disaient, dans le fond, les docteurs croyaient que leurs cris étaient des sons générés au hasard et que leurs sourires étaient des spasmes musculaires. Wow. Ouais. Donc, ça avait l'air d'être confirmé par la science parce que les bébés, ils se faisaient pincer avec des piqués par des aiguilles lorsqu'ils étaient des nouveau-nés. Les docteurs voyaient que les bébés réagissaient beaucoup plus violemment avec le temps, avec les années. T'sais? Genre, quand ils naissaient, ils n'avaient pas l'air d'avoir mal. Ils n'avaient pas compris que c'est parce qu'ils donnent des médicaments aux mères. Là. T'sais, pour accoucher des fois. Là. Ouais. Pédural, péridural, peu importe. Là. Donc, ça, ben, ça fait que les bébés deviennent genre faibles quand ils sortent de l'endroit d'où ils sortent. T'sais. Donc, c'est normal que ça apparaisse pas tant que ça qu'ils ont mal. C'était pas avant 1985 que les études sur les bébés ont montré que non seulement est-ce qu'ils ressentaient la douleur, mais certains bébés sont même morts parce qu'ils avaient été opérés sans anesthésie pour empêcher d'avoir mal. Eh! 85, là! J'avais 2 ans! T'avais quel âge? T'es né en 83? 83, ouais. Oui, 84, moi. Félicitations. Merci. Tu es un an plus jeune que moi. Ouais. Félicitations. Avant la révolution industrielle, les gens avaient deux périodes de sommeil pendant la nuit. Deux périodes distinctes de sommeil. C'est bizarre. Déjà que là, maintenant, de nos jours, personne n'a vraiment assez de sommeil. T'sais, la plupart des gens travaillent beaucoup, ont beaucoup d'activités sociales, etc., etc. Mais à travers l'histoire, ça a beaucoup changé. Avant la révolution industrielle, donc les gens avaient deux périodes de sommeil pendant la nuit. Les gens allaient se coucher entre 21h et 22h, se réveillaient à minuit environ, un petit peu passé minuit. Ensuite, ils allaient fumer. Ils allaient faire des trucs, peut-être... À minuit... À passer minuit, là. OK. Donc, ils allaient se promener, peut-être prendre une marche, fumer et faire des trucs au lit avec leur... bon, on se comprend là-dessus, là. Hein? Du animal de domestique. Ah, ben oui, hein? Aller huiler leur vélo. Ah, bon. C'est ça. Aller porter les enfants à la garderie, je crois. Ça, c'est... À minuit, tu vas porter... Ben, c'est ça. Donc, ensuite, ils retournaient se coucher. La réponse, la raison pour laquelle ça se passait, c'était l'électricité. Apparemment, que les sources de lumière artificielle ont modifié nos cycles de sommeil. Dans certaines études, les gens privés d'électricité reviennent à cet état-là. Donc, deux périodes de sommeil distinctes. Donc, vraiment, ils ont fait une étude. Ils ont enlevé les sources de lumière des gens dans leur vie pendant quelques temps. Ils ont recommencé à se réveiller dans la nuit et puis faire d'autres choses et puis après ça, retourner se coucher. Étrange quand même, hein? On est fait naturellement pour ça. Henry Ford, tu sais c'est qui Henry Ford? Tu connais Henry Ford, le fondateur de Ford, voitures, d'accord. Donc, il a commencé à payer ses employés 3 fois plus cher que les autres pour augmenter la productivité dans sa compagnie. Oh ouais? Ouais. Quand il a construit la voiture Model T, l'idée de Ford était qu'il voulait construire une voiture assez peu chère, assez abordable pour que ses employés soient capables de se l'acheter eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, la plupart des gens qui travaillaient dans des usines faisaient 11$ par semaine. Ford a décidé de payer ses employés 5$ par jour. Wow! Ouais, quand même. La raison qu'il a fait ça, c'est qu'il se disait qu'en payant ses employés plus cher, il réduirait le nombre de gens qui démissionnent de la compagnie. Ah, c'est sûr. Quand même. Et permettrait à ses employés de devenir vraiment bons dans ce qu'ils faisaient, dans le fond, en étant motivés par l'argent. Étant donné aussi, il disait que, dans le fond, comment dire, trainer, là. Ouais. Bref, éduquer et former. Former, voilà. Ses employés, des nouveaux employés coûteraient beaucoup plus cher que ça. Donc, le modèle de Ford est devenu un succès incroyable. Ça a révolutionné non seulement l'industrie des voitures, mais aussi des usines en général. La combinaison d'une paye élevée de jobs d'emploi à haute efficacité et de produits moins chers. On a commencé à appeler ça le Fordisme. Fordism, okay. Et ça a été adopté un petit peu partout dans le monde. Fantastique. Voilà, c'est fantastique. OK, on va sauter par-dessus celui-là. On le fera demain sur les enfants chinois qui gardent des criquets comme animaux de compagnie. On en parlera demain. Mais pour l'instant, on se fait quelques petits faits rapides, des petits faits quickies comme ça. En 1996, les Nations Unies, le United Nations General Assembly, a déclaré le 21 novembre la journée nationale de la télé. Oh! De la télévision. C'était hier. En français, on dit cocorico. Cocorico pour le coq le matin. Et voilà, tu savais qu'en anglais, c'était cock-a-doodle-doo. Ouais. OK, ben en allemand, c'est coucou-lé-cou. Coucou-lé-cou. Coucou-lé-cou. Et en italien, c'est titirici. Titirici. Titirici. Hein? C'est beau quand même, hein? Ouais, c'est le fun. Ça veut dire que presque 40 milliards de dollars en argent américain, en pièces de monnaie américaine, sont en circulation en ce moment. 40 milliards de dollars américains en pièces de monnaie. C'est beaucoup? Pas les billets, oui. Ça a pris à George Eastman, l'inventeur des films Kodak, 4 ans pour trouver le nom de son produit. Il a travaillé avec sa mère pour trouver le nom. Plusieurs règles qu'il voulait. Il voulait quelque chose de court, quelque chose d'impossible à mal prononcer, quelque chose d'unique et quelque chose qui avait sa lettre préférée, qui est le K. Donc, ça a donné Kodak. Kodak. Kodak. En n'importe quelle langue, Kodak. Bon. Tu connais peut-être le célèbre portrait de Andy Warhol. Andy Warhol a fait Marilyn Monroe, a peint Marilyn Monroe. Mm-hmm. Bref, c'est basé sur une photo publicitaire prise par Gene Corman pour son film de 1953, Niagara. OK. Une affiche de film qu'il a peint. Je sais pas ça. Oh, non plus. Et ça veut dire que les pierres à feu étaient commanditées par une compagnie de cigarettes pendant les deux premières saisons de l'émission? Non. L'émission visait les adultes et non les enfants, donc très peu de personnes se sont plaints par rapport aux publicités et qui montraient toujours les personnages de l'âge de pierre en train de fumer des Winston. Oh. C'est la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. C'est tout. C'est merci comme Mathieu. Ça me fait plaisir. François, on termine ici pour la première heure. On se retrouve dans quelques secondes. Qui avons-nous au bout du fil à 8 heures? Stéphanie Gagné. Eh oui. Avec son plat favori. Elle va nous présenter son coup de cœur de la semaine. Exact. Et après ça, à 8h30, on aura Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Oui, qui va nous parler de livres. Ah! Espérons-le. J'espère. Il y a un livre ici, La conquête spatiale pour les nuls. Ouais, non, je pense que c'est pas celui-là. Je crois pas. Pour l'instant, voici l'info campus. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Deuxième heure d'Assemblage Rocky en ce mardi 22 novembre 2011. Lui, c'est François-Louis Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et nous sommes toujours présentés par le service aux étudiants de l'UQTR. Oui, exactement, qu'on tient à remercier. Bien sûr. Alors, on va recevoir Yann Martel du service aux étudiants demain, qui va nous parler de la chronique financière. Oui, on a très hâte de le revoir, comme toujours. Mm-hmm. Dans quelques minutes, juste après le prochain bloc musical, on aura Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori. Mais pour l'instant, on s'écoute un petit peu de bon vieux Flight of the Conchords. Oh! Voici Food Fafa. Enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Ah, ah, ah, baguette. Ah, ah, ah, foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Foudou fa fa. Foudou fa fa, foudou fa fa fa fa, foudou fa fa. Aïe. Et maintenant le voyage à la soupe à mâcher. Comme la mousse. À la ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette, oh! Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit Pierrot des chiens. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, trois, quatre. Fou de fa fa. Fou de fa fa fa fa. Fou de fa fa. Aïe. Fou de fa fa. Pardon, moi? Où est la piscine? Splash, splash. Hein? Oh, je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Parlez-vous le français? Non. Non. Non. Fou de Fafa de Flight of the Conchords sur leur album Flight of the Conchords. Oh. Ah, oui. Ça existe encore, ça? Oui, ben oui. Le groupe existe encore, la série télé. Non, malheureusement. OK. Malheureusement. Est-ce qu'on parle avec Stéphanie Gagné? Ouais. Oui. Ah, OK. Oui. Voici ton plat favori. Je suis ton plat favori. Bon matin, Stéphanie Gagné. Bon matin. Bon matin. Ça va? Ça va bien? Ben oui. Ça va, toi? Ben oui, ben oui. T'as pas de l'air de bonne main? Tu me dis tout le temps ça. C'est un peu redondant, hein, mais c'est ça. Ça doit être parce que c'est le matin. Non, en fait, je suis réveillée depuis un petit bout de temps, là. Ouais? T'es une matinale? Ouais. Je te savais pas matinale, moi. Ah oh, non, je suis vraiment pas matinale, mais c'est juste que faut que je me lève, faut que j'aille à l'école. Ben oui, pas le choix. C'est la vie, hein. Ah. La vie qui va bien, ton école roule à merveille, t'es comme ça? Oui, puis en plus, on n'a pas encore de neige. Ben attends, je regardais dehors. Non, toujours pas de neige. Non. Ah, d'autres que... plus. Non, mais on a eu une journée, nous autres. Ouais, ouais. Nous autres, on n'a pas encore eu, pas en tout, là. Chanceuse. On a eu notre première journée vraiment froide hier. Il faisait moins 3, mais aujourd'hui aussi, il annonce froid, mais demain, il annonce 10. Bon, donc maintenant, vous savez la météo à Gatineau, tout le monde. Ouais, oui. Voilà. Donc, Stéphanie, à chaque semaine, tu nous présentes ton plat favori. Et aujourd'hui, je sais qu'on écoute quelque chose qu'on a dans le palmarès anglophone. Mais je ne vais pas parler de tout de non. suite. OK, parfait. Non, on commence par quoi d'autre? Je vais commencer par quelque chose qui n'a pas de pièce musicale pour aller avec. Fait que c'est pour ça que je vais finir par la pièce musicale. Bonne idée. Mais cette semaine, j'ai été au cinéma. J'ai été voir le film Monsieur Lazare. On en avait beaucoup parlé, film de Félix Falardeau, d'après une pièce de théâtre d'Évelyne de la Chenelière. Ah oui? Oui. Oui, la fille qu'on entend dans la publicité de... C'est quoi déjà, François? Chose de musique... Je sais pas. En tout cas, on va les macadam, non, pas ça. On va les macadam? En tout cas, non, il y a une affaire. En tout cas, il y a une pub assez fou qui est une fille d'Évelyne de la Chenelière. Elle parle dans cette pub-là, bref. Ça, c'est... Ah. Colin. Pas les Francouvertes, mais qu'on se la demande. Je pense que c'est... Ah, regarde. Vas-y donc, Steph. Mais, vas-y. Oui. Ouais. Évelyne de la Chenelière, justement, elle joue un petit rôle dans le film. Dans le fond, c'est l'histoire de Bachir Lazare qui essaie d'être réfugié politique, en même temps d'être en deuil de sa famille. Et il décide d'enseigner à une classe de sixième année qui vient de passer à travers le suicide de leur enseignante. S'est pendu dans leur classe, puis il y a deux des élèves qui l'ont vu, dans le fond, qui ont vu le corps pendu. Fait que pendant toute la classe, c'est un petit peu traumatisé. J'imagine. Fait que ça montre un peu, d'un sens, c'est pour montrer comment les enseignants sont bons. C'est un peu un hymne pour les enseignants, mais c'est aussi une réflexion sur le deuil, vu qu'il y a le deuil du professeur avec sa famille, puis il y a aussi le deuil, évidemment, des enfants. c'est vraiment spécial parce que un film sur le suicide, normalement, c'est vraiment c'est triste, c'est touchant. Ben oui. Mais là, un film sur le suicide, quand c'est des enfants de 11 ans qui essayent de dealer avec ça, c'est vraiment différent. C'est encore plus touchant parce qu'on voit comme eux autres qui essayent de passer à travers de différentes façons que des adultes, dans le fond. Puis, en tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Ce film-là, j'ai pleuré au cinéma. C'était vraiment triste. Et aussi, le film a remporté 2 prix au Festival international du film francophone de Namur et aussi meilleur film au Festival international du film de Toronto. Et comme Incendie de Denis Villeneuve l'année passée, eh bien, cette année, c'est M. Lazare qui a été choisi pour représenter le Canada pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Donc, reste à voir si le film va être dans la shortlist de 5 films. Mais pour l'instant, au moins, le film représente le Canada. On va voir si à la fin janvier, je crois qu'ils vont dire c'est quels 5 films qui vont être nominés pour ce prix-là. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a l'air bon. Alors, en tout cas, moi, ça va être difficile à regarder, mais... Ouais, c'est ça, exact. Ouais mais c'est, il l'a vraiment fait, Philippe Arnaud l'a vraiment fait d'une manière que c'est pas juste axé sur le suicide. Ça arrive vraiment au début du film, puis après ça, on essaie de passer à autre chose. OK. Puis en tout cas, et ça fonctionne. Vraiment... Ouais, ben c'est sûr que on s'entend que quand tu vois ta professeure pendue dans ta classe, tu t'en remets jamais vraiment complètement, je suppose. Non, c'est ça. Non. Mais on voit que les enfants vont mieux à la fin du film. Là. Mais ouais. En tout cas, il se passe plein de choses dans le film. Alors, à voir. Et c'est ça, mais il n'y avait pas vraiment de pièces en particulier pour ce film-là. Fait que je voulais aussi vous parler de Feist, qui a sorti son 4e album le 4 octobre, l'album Metals. Elle a travaillé, comme d'habitude, avec Chili Gonzalez aussi, sur 2 pièces dans cet album-là. Ah, pour vrai? Oui. Dans tous ses albums, il y a des pièces qu'elle collabore avec Chili Gonzalez pas mal tout le temps. Non, je ne connais pas tant que ça, Fest, donc je suis heureux de l'apprendre parce qu'on aime bien Chili Gonzalez. Oh, ouais. Ouais. Oui, c'est ça, il joue souvent du piano sur ses pièces. Mm-hmm. Et elle vient de sortir un clip cette semaine pour la pièce « How Come You Never Go There ». C'est vraiment, c'est une chanson assez tranquille, musique de lounge. J'ai bien aimé ça. C'est ça, c'est très différent de la tune très populaire que tout le monde connaît, 1, 2, 3, 4, oui, de la publicité d'Apple, qui était beaucoup plus pop, joyeux. Mm-hmm. Et vous allez voir, c'est très différent pour cette pièce-là, mais je l'aime bien, je l'écoute très souvent. Il y a la pièce The Bad in Each Other qui est dans le palmarès. The Good in Each Other? Je me rappelle juste The Bad in Each Other qui est sur le palmarès anglophone, juste pour ton information personnelle. C'est très bon, ça aussi. Oui, ben oui. Je pense que ça arrive souvent que j'ai des pièces qui sont totalement minces. Hey! Ben, t'es une fille de goût, hein? Ah, je sais, hein? C'est ce qu'on dit. En tout cas, moi, je dis ça, c'est positif. François dit des insultes et des choses. J'ai rien dit. Non, pas aujourd'hui. J'ai rien dit. Des fois, par contre. On se calme. Ouais. Tantôt, en tout cas, en ronde, là. Oh, ben, ah, sacrifice. Ben, sacrifice. Fais pas ton Mathieu Plante, hey, là. Sacrifice. Feist. Pas bon, ça, nous autres. Ouais. Donc, on va l'entendre la pièce François Renif dans son micro. C'est bon? J'ai la grippe. J'ai la grippe, Steph. Ouais, ouais. Hey, Steph, François, il a la grippe. Ah, ouais? Je te l'apprends, hein? Ouais. C'est le fun. Cool. Donc, sur l'album Metals de Feist, on va entendre How Come You Never Go There et on te souhaite une excellente semaine, Stéphanie. On te retrouve mardi prochain à 8h. Yes. Ça te va? Oui. Si t'as autre chose à dire, dis-le, garde-toi. Ouais, ouais, vas-y. Non, ça va. Oh, complimente-nous quelque chose, si on t'a complimenté tantôt un petit peu. Ouais. Non, il y en a un qui complimente, puis il y en a un qui insulte, ça revient au même, ça revient à zéro. Ah, ça s'annule. Ah, je savais pas que c'était comme ça. C'est comme les multiplications et les divisions se font avant les soustractions et les additions en mathématiques, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je retiens mes règles. Hein. Je vais retenir la tienne que tu viens de me dire là. Tu m'éduques. T'es comme un professeur, mais pas en t'oppose. Hein. C'est le tableau. C'est le tableau. Non. Fais, non, c'est ça. Merci, Steph. Bon, ben, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, Steph. Bye-bye. To your eyes, my heart. life's at work that feels too long. My bare head lost his innate calm. It's true enough for not at peace, but peace is never what it seems. Our love is not the light it was. When I walk inside the dark, I'm gone. And where we look for where it went, it's only echoes in the melody. Stop looking through the halo. We carry on as if the time is true. You carry on as if I don't love you. And so we find the ways out to cut the heart out of the dark now. The rooms full of hearts are empty, like the letters never sent me. And words are like a lasso. You're an instrumental too. Comme You Never Go There de Feist sur l'album Metals à Assemblage Requis. C'est dans la chronique Ton plat favori. Et pour accompagner le plat favori de Stéphanie Gagné, on a toujours les crudités de François-Olivier. Oui, les crudités cette semaine. Écoute, Mathieu, je sais que Noël s'en vient, moi. En fait, je vous apprends rien, je pense. Non, je pense que même, je viens d'entendre dire que le mois de novembre est presque terminé. Ouais, ça s'en vient. Ouais. On est déjà le 22 aujourd'hui, là. Marie-Pierre est arrivée, si elle veut parler, Marie-Pierre. Salut. Bonjour. Mais en fait, je disais ça parce que c'est la fin des moustaches qui s'en vient aussi. Ah, c'est ça. Comme... Parce que toi aussi, ton copain est sur les moustaches. Ah, pas tant. Moins? Pas tant. Ben, il y avait à prendre sa photo de permis de conduire. Ah. Fait il y a comme... Hey, c'est vrai, faut que j'allais prendre ma photo de carte d'assurance maladie. Ça fait penser à ça. Hey, moi aussi, par contre, je suis un peu dans la merde. Ouais. Ah, je vais aller comme ça. Écoute, je vais l'assumer. Les cartes d'assurance maladie, c'est pas si pire. Ces cartes de permis de conduire, ils te donnent des méchantes amendes pour ça quand tu l'as pas renouvelé à temps. Ah non, quand t'as une moustache. Ouais, moi aussi, je te donne une amende quand t'as une moustache. Ça serait le fun, par contre, ça encouragerait les gens à les raser. Et l'argent de cette amende-là pourrait être versé à Movember. Ah, oh! En fait, je suis pas sûr qu'elle irait à Movember. Non, c'est ça. Moi non plus. J'ai un petit doute là-dessus. Non, écoute, les crudités, en fait, je fais ça rapidement. Je vous parle d'un site internet où ce qui me donne des idées de cadeaux de Noël un peu farfelus. Ah. Vois-tu, ça s'appelle random-good-stuff.com. C'est un peu comme le Thingy. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le Stupid, c'est quoi donc? T'en avais un autre Stupid? Je me rappelle pas du Stupid, moi c'est surtout Thingy. Mais là, donc tu parles de Random Good Stuff. Random, tradition good, tradition stuff.com, c'est ça? Exactement. Parfait. Et puis, c'est ça, plein d'idées de cadeaux de Noël. J'en nomme une couple qui pourrait être appréciée par Mathieu Plante. OK, ici. Et puis Marie-Pierre, elle? Des manettes de Nintendo. Non, Marie-Pierre, mais Marie-Pierre, je vais le faire après. Okay. Donc, pour toi, Mathieu, en fait, là, ici, j'ai une casquette qui détecte automatiquement le Wi-Fi. Malade. Donc, ça sonne ou ça bip ou... C'est pour te dire si tu vas avoir Internet sur ton iPhone à ce moment-là. T'as pas Internet sur ta casquette, là, quand même. Non, c'est juste pour te dire qu'ils reçoivent un signal. OK. Et puis, tu peux bâtir aussi ta propre caméra 35 mm en modèle à coller. Oh! Cool! J'avais déjà vu un truc comme ça. Ah ouais, pour vrai? Ouais, on dirait que je suis sceptique. C'est pas ça, j'avais envie aussi. D'essayer. Non, moi, non, c'est pas, hein? Ah, c'est pas les, fun, les... du bricolage. Là. Ouais, mais les photos que ça doit... Je sais pas. Je sais pas. J'ai une petite crainte. Sinon, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Attends un petit peu. Ah oui, du bacon en forme de ketchup, là. Du ketchup non, ben oui. À saveur de bacon. Ketchup à saveur de bacon et non du bacon à saveur de ketchup. Là. Non, c'est ça. Ça, ce serait vraiment freak. Là. Ouais, un petit peu trop. Et puis, après ça, on a aussi les post-it en forme de main. Ouais. On a un abri pour les chats. Hein, Dieu sait que t'aimes les chats. C'est sûr. Et puis, un petit dernier en finissant, là. Attends un petit peu, j'assure. Non, ça t'intéresse pas du tout. Non, bon, faut la savoir. Et puis, attends un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse le plus, là, c'est, je le vois sur le coin, les Bucky Balls. Je sais pas si t'as déjà vu ces Bucky Balls. C'est comme des petites billes, tout petites, et c'est comme un genre de cube de ces billes-là, puis tu peux les défaire, puis ça fait comme des genres de formes. C'est vraiment comme super bizarre. C'est difficile à décrire à la radio. Là. Allez voir Bucky Balls, B-U-C-K-Y, Balls, sur YouTube, entre autres. Il y a des démos assez intéressantes de ce petit gadget-là. Eh hey, mais François-Olivier, est-ce qu'il y a des trucs vraiment fifilles, ouais. Des trucs pour filles, là? Attends à part un abri pour ça, là. Ben, t'as des sacoches en forme de caleçon. Mais en même temps, c'est plus pour vous autres. Sinon, il y a... Qu'est-ce qu'il y a vraiment pour les filles? T'as une... une sacoche en forme de caleçon. C'est pas si pire, ouais, c'est ça, c'est pas si pire. Est-ce que c'est une chose qui pourrait t'intéresser ou... Assurément, pour vrai? Ah oui. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Et puis, non, ça ressemble à ça, là. C'est cool, c'est random-good-stuff.com. Je conserve le lien, François. T'aimes ça? Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Sinon, site dans le même genre, là, où je prends la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Craziestgadget.com, qui sont aussi très prolifiques dans les gadgets conversations. Okay. Donc voilà, pour ces deux affaires-là, avec les crudités, merci François. Ça fait changement pour les cadeaux d'elle. Là. Oui. C'est quand vous voulez innover un peu. Là. La grande piano de l'autre fois. Ouais. Tu l'as pas acheté. Ou la petite avion, là. C'était quoi le truc pour la nourrir ton enfant, là? Ouais. Ah non, c'était une assiette avec des camions, là. Ah oui, c'est ça, c'est de la construction. Tu faisais comme ton maïs avec ton. Puis il y avait des trucs, il y avait des pentes, ouais. Tu reculais le camion, qui était comme ta fourchette. Mais difficile. Avec ton couteau, tu. C'est bien difficile de manger dans ce temps-là. Oh, ouais, c'est cool. Je joue pas avec ta nourriture, c'est. Hey, moi, tu joues ça. Hey. OK, donc ça, c'est des crudités. Maintenant, pour compléter ça, Marie-Pierre, tu sais, c'est le dessert des tuiles, Mathieu. Ben oui. C'est ça. Un passage obligé. Oui. Toutes mes chroniques ont donc l'air difficiles à survivre pour vous autres, hein? Caroline, que c'est pas facile là. Oh, est-ce que c'est fini? Oh. Je m'excuse. Ouais. En tout cas. Donc, récemment, Emo, c'est vraiment pas original du tout. C'est dans le palmarès et tout. Fait que c'est vraiment pas original. C'est le nouvel album des Library Voices, Summer of Lust. Je l'ai écouté au complet cette semaine et j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça, Library Voices. J'adorais ça. Tu sais, je connaissais leurs précédents albums. Ouais. Album, je sais même pas ça. Le plus récent, Summer of Lust, on a un extrait sur le palmarès qui s'appelle Generation and Clap. On va aller l'écouter, OK? Mais moi, j'ai écouté le reste de l'album et vraiment, je vous le conseille énormément. Ouais. Summer of Lust. Comme cadeau de Noël. Oui, comme cadeau de Noël, comme cadeau pour vos oreilles, comme. On pourrait s'inventer une fête, nous, assez fou, hein? Ouais. La petite bonne avec les cheveux dans les airs. Sur le côté, comme dans le logo. Le logo, ouais. Ah, oui. Où est rendu le logo dans le studio? Il y a derrière plus de toi, Mathieu. Là. Derrière toi. Il est dans la fenêtre. Il va refléter. Ouais. Il est ici. Ouais. Wow. Ouais. Juste deux logos dans un studio, mais il est tellement petit. Que non, on l'a plus que ça, c'est sûr. Check, j'en vois un là. Chasse au logo. Un, deux, trois, okay. Quatre. Ici, il y en a deux derrière. Ici, un autre. Sept. Il y en a plein. OK. Bon, c'est plate, ça. Library Voices, Generation 9 Clap. 89 FM, c'est fou. Pour ton plat favori. He's got your bestest looking on yourself. Trying to take your bones and blood. Into something you could sell. Something you could pawn off as a television. You spend your whole life looking on your health. Until one day your habits disassemble. And go on to find something else. Try telling that to your creditor. Drunk tents. Gonna love you like a cherub.

Bon, quel drôle de mutine, on s'entend. Donc, voilà, pour Zadig de Voltaire, je vous le conseille fortement. Oui, et les coins sont ronds sur ton livre. Oui, les coins sont ronds. Mais en fait, c'est la collection de Larousse, les petits classiques, les coins sont toujours ronds. Est-ce que ça se lit mieux? Non, mais ça empêche de se pointer le livre dans l'œil. Ah, ça t'arrive souvent, ça. Ça doit être ça. T'arrives tout avec l'œil au souffle, c'est à cause de ça. Ouais. Donc, Zadig de Voltaire, voilà. Oui, merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne lecture. Ouais. Bonne lecture à tous. Bonne lecture à toi pour Da Collecte dans deux semaines. Oui. Mardi à 8h30. Exactement. Et on te retrouve au Palmarès C'est fou les jeudis après-midi à 14h. Oui. J'espère. Super. J'espère. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On va s'écouter une petite pièce de musique avant de terminer l'émission. Il nous en reste pas beaucoup à cette émission du mardi 22 novembre. Est-ce que c'est ma pièce à moi? Je sais pas. Oh. Est-ce que? Ooh. Est-ce que ça l'est? Oui. C'est quoi ta pièce à toi? Tu l'aimes beaucoup, celle-là? Twin Shadow. Ah, Twin Shadow. Ah, c'est ouais, vrai. Ouais, je voulais hey, Twin Shadow. J'ai oublié, excuse-moi. Ah, tu peux la passer tantôt. Non, on va y aller tout de suite avec tout ça. Tout de suite? Oui, oui. Ah, ben, okay. On se gâte, là. All right. Twin Shadow, t'as vraiment fait un segment super rock and roll. All right. Oh, yeah. Motherfucker. OK, bon, voici un slow. Ouais. On se retient un peu, Mathieu. Slow de Twin Shadow. Assemblage requis, 89 FM. Yo. Gâche tout, hein. Je sais. Let me know how long will it C'était Annie Hall de Mauve sur l'album Cinéma Plymouth à Assemblage Rocky. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. À la-di-da. La-di-da, la-di-da. À la-di-da. Donc, on se retrouve demain matin à 7h. Demain, l'émission à 8h. Qu'est-ce qu'on a? Demain, à 8h, on reçoit Yann Martel qui va nous parler du service aux... Non, c'est pas vrai. À 8h, non. C'est... Hein? Erreur. On reçoit Myriam Fugère. Oui. Avec sa chronique aléatoire. Tout à fait. Devinez ce qu'il y a à 8h30 ensuite. Ouais, 8h30, je sais pas si loin. 8h30, on reçoit Yann Martel avec sa chronique financière. Es-tu sérieux? À 8h45, c'est Jasmine Raymond-Dreville avec sa chronique sur la langue française. Oui, chronique linguistique. Linguistique! Demain, levons nos lunettes sur un sable. Demain, ce sera un quiz sur les phobies. Donc, on va avoir chacun nos buzzers. Moi, j'ai entendu dire, écoute, entre les branches. Ouais, moi aussi, moi. Que t'en connaissais une couple déjà. Peut-être une couple. Peut-être que je sais exactement quelle phobie Jasmine elle-même a. OK. Et peut-être que vous allez vraiment adorer entendre parler de ça demain à 8h45. Je pense que ça va être divertissant pour tout le monde, ça. Formidable. Fait que là, demain, si tu gagnes le quiz, c'est parce que tu vas... J'ai un petit inside, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que si je perds, c'est pas parce que je suis pas bon. C'est parce que t'as pas de contact. Non, mais c'est parce que j'ai pas eu les réponses. Moi, je trouve ça... Ah, mais le livre a genre sûrement 300 pages. J'en sais à peine là, peut-être l'équivalent de 150 pages. À peu près, mettons. C'est déjà une bonne moyenne. Exact. C'est mieux que toi, tu sais. Ben, demain, à 9h15. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas mal la fin de l'émission ici. Hein. Formidable. On vous laisse avec une pièce, par exemple. Ouais, on laisse avec une pièce, puis même qu'on se laisse avec l'horaire de la journée aussi. Fait que repart le thème. Donc aujourd'hui, assez fou, restez sur nos ondes pour la sécheuse à 9h. Ensuite, à 11h, sera le dîner de con avec Danny Janvier, édition Best of. Que les meilleurs moments du Dîner de con depuis les derniers mois. Ensuite, en après-midi, c'est des émissions que vous avez ratées. Le Voyage insolite à 13h avec de la culture rock, littérature et cinéma fantastique. À 14h, album classique avec Simon Fitzbé. Et on revient en direct assez fou avec Drôle de Drouin et Alex Drouin. Ça, c'est à 15h. Ça passe de la musique humoristique. À 16h, ce sera le magazine culturel Une dose d'estrogène. À 17h, la sécheuse. Et en soirée, réanimation entre 19h et 22h avec du métal et de l'horreur. Soyez à l'écoute et allez voir le cif.ca pour la programmation complète. Évidemment, tant qu'à être sur Internet, avoir la fenêtre de Firefox ou de Google Chrome d'ouvert. Là. Allez donc sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. François, ce que t'es avec les Cowboys fringants? Oui, la pièce Has-Been. Has-Been. Has-Been, maudit Has-Been. Ça, là, j'ai entendu dire que ça faisait son entrée sur le palmarès. Oh, francophone, ouais. Comme ça. Comme ça, là, genre, pour la première fois dans les palmarès, jeudi, entre 14h et 17h. Formidable. Je pense que j'ai fait tellement de plugs dans cette fin d'émission. Ouais, je pense que les gens sont au courant. Il n'y a rien à retenir, hein, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on écoute ça ou on laisse encore le fin? C'est fini. Il faut. J'espérais faut qu'elle arrive. Ça fait tellement cute quand on finit sur la fin de la chanson. Oh. Prends pas ça comme ça. Non, excuse-moi. Je m'en remets. Puis on se retrouve demain à 7h. Bye bye. Bye bye. Bonne journée.